Activité 4 et 5. 1. Bonjour, vous êtes sur le portable de Delphine. Laissez votre message après le signal sonore. Merci, à bientôt. Salut Delphine, c'est Yann. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Rappelle-moi. Bise. 2. Société Nexton, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais parler à Yann Le Querec, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Delphine Guillet. Ne quittez pas, je vous le passe. Ah, je suis désolée, il vient de partir. Vous voulez laisser un message? Non, je vais appeler chez lui alors. Merci. 3. Allô? Yann? C'est Delphine. Pardon? Quel numéro demandez-vous? Le 04 78 09 40 18. Ah, vous faites erreur. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. 4. Allô? Salut Adrien, c'est Delphine. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Yann est là? Oui, attends, ne quitte pas. Yann, c'est Delphine au téléphone. Allô? Salut Yann, je viens d'apprendre la nouvelle sur MyBook. C'est vrai? Tu pars? Et tu m'as rien dit? C'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure. En fait, je viens de décider, je vais faire le tour du monde. Partir à l'aventure comme ça? Mais tu viens de trouver un super boulot. Un appartement. Et puis, tu vas me manquer.